Chapitre 5. C'était une journée glaciale et pluvieuse. Le ciel, les maisons, les rues semblaient taillées en bas-relief dans un même bloc de glaise verdâtre. Les passants se mouillaient le visage. Leurs semelles buvaient l'eau du trottoir comme des éponges. Pouah, pouah, pouah, fit Jeanne en descendant les marches du métro, tandis que la nappe d'air tiède et putride du souterrain atteignait le niveau de son menton et soulevait jusqu'à ses narines une petite vague écœurante et molle. « Ça sent l'épidémie, » commenta Fouvarque en riant derrière le col remonté de son pardessus. « On aurait mieux fait de rester chez nous. » Deux convois combles passèrent avant que Jeanne se résignât à s'écraser dans le troisième. À peine entrée, elle se plaignit d'étouffer. Fouvarque voulut la dégager et marcha sur le pied d'un officier qui lui en fit de façon rogue la remarque. Aussitôt, 20 regards mornes se dirigèrent vers lui. « Nous serons contents de rentrer chez nous ce soir, » marmonna Jeanne. Ils avaient écrit à Husselin qu'ils lui demanderaient à déjeuner. L'écrivain leur avait répondu par une lettre pleine d'effusion, les remerciant d'avoir pensé à lui et offrant de mettre à la disposition de Jeanne une chambre où elle pût s'arranger avant d'aller chez les Centilès. Vers midi, suivant une vieille habitude, Husselin se mit debout devant sa fenêtre, afin de surveiller l'arrivée de ses amis. Il était fiévreux. La pensée de revoir les Fouvarque l'avait tenu éveillé une partie de la nuit. Il avait le sentiment qu'un peu de sa jeunesse revenait à lui, car il se sentait fatigué et vieilli. Depuis de longs mois, il n'avait pas éprouvé une seule véritable joie. Son amour pour Valentine lui avait coûté sa foi en lui-même. Elle venait bien encore le voir à intervalles réguliers, et il continuait à la posséder, sans toutefois dominer son esprit. Il s'était usé à vouloir lui façonner une âme qui pût sentir et s'émouvoir. Chaque jour, l'essence impalpable qu'il essayait de fixer fuyait davantage entre ses doigts. Et maintenant, lasse de lui sans doute, elle lui apportait un corps qui devenait aussi une chose étrangère. Contre cette forme d'albâtre rigide et tiède, il se heurtait. Il guettait une étincelle, en vain. Alors il comprenait que Valentine bientôt s'en irait, sans avoir reçu son empreinte, identique à la femme qu'elle eût été sans lui. Et cette pensée le faisait souffrir, parce que son cerveau ébranlé en tirait le présage d'une déchéance. Il remuait ses idées lorsqu'il vit se rapprocher dans l'avenue un homme à la taille fine, aux larges épaules, et une femme au pas ferme, qui se balançait en marchant. Il ne les reconnut qu'au bout d'un instant. Ce fut le battement de son cœur qui le renseigna. Il se précipita hors de son cabinet, ouvrit la porte et prêta l'oreille. « Je vous ai vu, je sais déjà. Vous êtes beau, vous êtes superbe, » cria-t-il en descendant l'escalier pour accueillir plutôt ses amis. « Et vous, vous allez bien? Vous êtes content? Vous avez travaillé ?» demanda Fouvarque. Husselin ne répondit pas. Il embrassa le peintre avec un plaisir fébrile. Il tâta sa poitrine musclée, puis les bras d'acier de Jeanne, et ils entrèrent tous les trois par la porte restée ouverte. Une odeur bleue d'encens régnait dans l'appartement, décoré jadis par Fouvarque. Il n'avait point changé. Le peintre et Jeanne le peuplèrent de leur voix heureuse et de leurs yeux clairs qui se ressemblaient. « Ça sent bon chez vous, et c'est beau, beau, beau, » fit Jeanne en entrant. « J'aime votre table espagnole. Je reconnais vos colonnes dorées de livres. Voici le canapé où l'on s'enfonce comme un fond d'un panier. » À mesure qu'elle les nommait, dans la pénombre de la pièce, la table, les colonnes de livres, le canapé, pour Husselin se couvraient de lumière. Et il se reprit à aimer et à comprendre le décor où il vivait avec indifférence. Mais son regard manquait de gaieté. Il souriait d'un sourire débile. « Vous êtes lugubre, mon cher, lugubre. Il faut vous dérider, » s'écria Jeanne. « Vous n'êtes pas souffrant, au moins ?» demanda Fouvarque. « Eh non, je vous assure, ni souffrant, ni... »« Ça sent les huîtres par ici, » fit Jeanne. « Il se pourrait, » poursuivit Fouvarque, « mais je dépiste en plus un singulier fumet de venaison. »« Je ne serais pas étonné qu'un foie gras truffé rôdât quelque part, » reprit Jeanne. « L'arôme d'un ananas circule dans la maison. » Husselin se sentit reconnaissant à ses amis d'être là. Parmi ces choses à lui, et se prit à chérir en eux jusqu'à cet égoïsme qui les rendait insensibles à sa détresse. ils couraient comme deux oiseaux chanteurs qui s'amusent et qui ne comprennent rien à la souffrance. « Asseyez-vous, monsieur, le malentrain, » ordonna Jeanne. « Voyez-vous les sortilèges quelquefois ?»« Oui, souvent. »« Que deviennent-ils ? » ?»« Je vois, ma chère amie, que vous ne lisez pas les journaux. On ne parle que du beau Carlos. »« Les journaux ? Qu'est-ce qu'il a donc fait ?»« Mais des pas de géant, cher ami. Il dîne à l'Élysée. Il est déjà question de l'envoyer à l'Institut. » « Brave Saint-Ilès !» s'exclama Fauvarque dans une explosion de joie sincère. « Je suis content pour lui, et pour moi aussi, car il n'est pas mauvais d'avoir un ami qui dîne à la droite du président. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Une exposition ? La dernière nature morte que j'ai vue de lui avant de quitter Paris n'était pas mal du tout. « Oh, naïveté céleste !» lui répondit Husselin en pensée. « Une petite nature morte explique pour toi gloire, fortune, honneur. » Si tu savais les chemins tortueux qu'il nous a fallu suivre. » Mais il se garda de dissiper l'erreur du peintre. « Leur nouvel appartement est bien ? » demanda Jeanne. « Un appartement, dit un somptueux hôtel. » « Oh, oh, et que raconte sa femme ?» L'écrivain haussa les épaules. Son visage se contracta en une grimace d'amertume. « Valentine devient insupportable, dit-il d'une voix aigre. Elle est nerveuse, fière. Elle n'est plus reconnaissable. » « Vous la verrez cet après-midi, à moitié nue dans sa robe, au milieu d'un cercle d'adolescents stupides. » Jeanne éclata de rire. « Vous en parlez drôlement, » dit-elle. « Bon, je vois, » ajouta Fauvarque, « vous êtes neurasthénique, alors que c'est notre pauvre Saint-Ilès qui aurait raison de l'être. Que racontez-vous là ?» À ce moment, Pierre, le valet de chambre, entra pour annoncer que le déjeuner était servi. Jeanne sauta à bas de son siège et vint soulever Husselin, encore affaissé dans son fauteuil. « Là, doucement, doucement, n'allez pas trop vite, vous vous feriez du mal. »« Ah, que n'ai-je de lit à vous offrir ? » s'écria Husselin. « Vous passeriez avec moi une semaine, cela me remonterait pour un an. »« Voici les huîtres, » fit Jeanne en pénétrant dans la salle à manger, où les larges coquilles roses ouvertes sur la table dégageaient l'odeur ambiguë de la mer. « Vous avez un flair merveilleux, » lui répondit Husselin. « Vous voyez les huîtres et j'avoue le foie gras. » Quant à Fauvarque, il a parlé de venaison et d'ananas. Il n'en a pas même le soupçon. « Avez-vous au moins flairé mes crus ? » ajouta-t-il en s'adressant au peintre. « Un petit bourgogne, » fit celui-ci. « Allez, taisez-vous, vous n'y connaissez rien. J'énumère dans l'ordre un Vouvray, un Bas-Médoc, un Saint-Estèphe et du vin de Champagne. » Après les hors-d'œuvre, fut présentée une timbale de poisson fumante, qu'on plaça au milieu de la table pour plus d'intimité. Husselin, qui servait, semblait soulever du fond de la croûte roussie des pois énormes. Il tirait un filet de turbot, la chair blanche d'un homard, des champignons sous des manteaux de sauce, et il se réjouissait d'entendre Jeanne et Fauvarque saluer au passage ces morceaux délicats. « Assez !» criait Jeanne. « Alors, il est pour moi, » disait Fauvarque. « Mais Husselin ne mange pas. Tant pis pour lui. » Le repas s'animait. Calé dans son siège, Fauvarque dit « En somme, depuis un an, nous avons tous bien travaillé. Saint-Ilès est aux étoiles, vous vous êtes enrichi. Moi, j'ai peint. »« J'ai vu vos dernières toiles chez... »« Des plaisanteries, » interrompit Fauvarque. « Ce sont mes fresques qu'il faut voir. Car je vous l'ai dit dans ma dernière lettre, j'ai enfin obtenu le résultat que je recherche depuis 15 ans. Exalter la vie par une peinture héroïque. Remarquez bien que nous n'avions rien dans notre art qui fût comparable aux harmonies d'un Bach, aux strophes épiques d'un Homère, alors que le symphoniste et l'écrivain font éclater les spectacles du monde, comme des capsules trop pleines. Le peintre n'a jamais dépassé dans ses œuvres la vision d'un homme ordinaire. » Assez beau, Husselin eut un souvenir. Jeanne, qui l'observait, fut étonnée de son silence. Elle se rendit compte qu'il faisait effort sur lui-même pour approuver Fauvarque, et n'y parvenait pas, celui-ci reprit. « Je suis le premier qui soit parvenu à montrer, par le moyen de la peinture, la vie au paroxysme de sa beauté et de sa force, tout en restant simple, ce qui est mon grand souci. Mes fresques sont même tellement simples qu'on les comprend d'un coup d'œil. On les comprend trop vite. Il est venu chez nous depuis un mois une quinzaine de personnes. Elles sont tellement saisies qu'elles se taisent. » Des sentiments profonds remuaient Husselin. « Mon pauvre ami, songeait-il, une horrible déception t'attend. Ai-je le droit de te cacher ce que je sais ? Tu me le reprocherais plus tard comme une trahison. » Mais l'obligation de parler lui était odieuse. Il ne s'y résolvait pas encore. et de nouveau la tristesse creusa son visage. Pierre venait de déposer sur la table une poularde rôtie, la salade et les légumes. Husselin versa du vin à ses convives. De plus en plus gai, Fauvarc éprouvait un grand besoin de s'épancher. « Mon cher, s'écria-t-il, vous viendrez passer l'été chez nous, je vous invite. À ce moment-là, nous serons riches et les amateurs en train de courir. Je vous promets qu'ils n'auront rien pour rien. Il faudra qu'ils déboursent de la belle or, crépitante, gazouillante, reluisante et trébuchante. Vous recevrez l'accueil d'un roi. Jeanne vous gâtera. Moi-même, j'ai besoin maintenant d'une vie douillette. Les bons petits plats, les draps bassinés en hiver, les linges bien fins en été. » « Vous pouvez y compter vraiment, » fit Jeanne d'un ton plaisant. « Mais j'y ai toujours compté, avec une femme aussi délicieuse et charmante que vous. Prenez garde qu'une charmante et délicieuse main ne vous arrache les trois quarts d'une oreille. « Mon premier projet, » dit Fauvarc, en reprenant son idée, « consiste à acheter la maison que nous habitons. Elle est agréable, solide. Pour l'instant, elle n'a qu'un gros abcès sur le flanc qu'il s'agit d'extirper. C'est le propriétaire. » Ne croyez pas d'ailleurs que M. Lavoine soit un méchant homme. Depuis notre entrée, nous lui avons payé en tout et pour tout le premier terme. Un drôle d'individu, insista Jeanne. J'ai l'impression qu'il est très content de nous avoir chez lui. Parbleu, s'écria Fauvarc, il est malin. Il flaire la bonne affaire. Il se dit un jeune ménage, une femme charmante, une exposition, les voilà lancés. Il m'achète maison, jardin, potager à bon prix. Soignons-les, soignons-les. Des occasions comme celle-là ne se retrouvent pas. Le projet d'Henri me paraît très bien, dit Jeanne, en se tournant vers Husselin. Si nous voulions plus tard nous agrandir, le père Plomion nous céderait volontiers du terrain. En somme, la seule chose qu'on puisse reprocher à cette maison, c'est d'être éloigné de Paris. Entendu, riposta Fauvarc, mais c'est inconvénient, il ne tient qu'à nous d'y remédier. Des petites autos, maintenant, on en trouve autant qu'on veut. Je paye comptant, je prends la voiture. « Et c'est une affaire conclue. »« Qu'en pensez-vous, Husselin ?» demanda Jeanne. L'écrivain ne répondit pas. Jeanne et Fauvarc, étonnés, levèrent les yeux sur lui. « Fauvarc, » dit-il après un silence, tandis que ses mains tremblaient légèrement, « ne m'appelez pas un prophète de malheur si je vous mets sur vos gardes. Il y a, je crois, une confusion. Vous avez peut-être mal interprété le sentiment de ceux qui ont été vous voir depuis un mois. « À quel propos me dites-vous cela ?»« À propos de vos fresques. » Pourquoi y aurait-il confusion? Je ne vous comprends pas. Voici, reprit Husselin. Vendredi dernier, j'ai rencontré des monstres, Martin Beau, M. Fouqueroux et M. Dalby dans une même réunion. Tous quatre revenaient de chez vous. Et vous savez comme ils vous ont toujours exalté. J'ai eu l'impression que cette fois, il n'osait plus poursuivre. Devant lui, il voyait soudain un homme de pierre en qui toute affection était morte, des yeux de diamant éclatants et durs, et une lèvre mince, tendue, comme un arc. Il faut parler quand même, se dit Husselin. Oui, mon vieux Fauvarc, je ne sais pas si les jugements pénibles qu'ils ont portés sur vos derniers travaux ont une base quelconque, puisque je n'ai pas encore eu le loisir de me faire une opinion personnelle. Mais ce que j'ai entendu m'a été désagréable, et je tiens à vous en avertir, car je m'aperçois que vous fondez beaucoup d'espoir sur ces travaux. L'impression de nos amis est que la solitude aura exaspéré votre imagination, augmenté votre confiance en vous, et que vos fresques sont un peu obscures. Ils ont même dit indéchiffrables. Faut voir que c'était dépensé jusqu'ici sans compter. Il savait son but difficile à atteindre, et pour s'éviter des défaillances, contenait ses désirs. Chaque jour, ses amis pressés et fiévreux, étonnés par sa tranquillité, disaient qu'il y était parvenu. Lui répondait « pas encore ». Et pour que Jeanne ne se sentît pas vieillir dans l'attente, il l'avait nourrie de sa substance, créant sans cesse autour d'elle un mirage d'abondance et une atmosphère de gloire. Mais aujourd'hui, en pleine possession de son génie et de son calme, il avait jugé que le sommet était atteint. Ses espoirs pouvaient s'exprimer, ses projets pouvaient s'étaler. Il avait en main une force miraculeuse, son œuvre, devant laquelle s'affaisseraient toutes les difficultés. Aussi regarda-t-il les discours de Husselin comme les premières embûches fatales et les premières objections oiseuses de la vie. D'un large balancement du bras, il les éparpilla. « Mon cher, excusez-moi, dit-il, mais je crois qu'aujourd'hui vous vous portez mal et raisonnez plus mal encore. Votre esprit, je l'ai vu tout de suite, est porté à l'inquiétude. Desmonts, Martin Beau, M. Dalby et M. Fouquereau, comme tous ceux qui sont venus chez nous, sont émerveillés de ce que je leur ai montré. » Je pourrais protester là contre ces propos, fit Husselin devenu écarlate. « Mais non, de grâce, ne protestez pas. Vous avez seulement mal compris nos amis. Indéchiffrables, mes fresques. Pourquoi le serait-elle pour eux quand tous les autres les ont comprises ?»« Nous avons même vu des marchands, » hasarda Jeanne. « Soyez assurés, » dit Husselin, « que nul ne se réjouira plus que moi si vous avez déjà des résultats. »« Bien sûr que nous en avons, » s'écria Fauvard. « Alors vous aviez cru que nous parlions en l'air, comme des enfants ?»« Nous avons des résultats, splendides. » Le père Coustou est venu nous voir la semaine dernière, avec l'idée bien nette de me préparer une exposition pour janvier prochain. Il a regardé, il est devenu blême. Blême, vous entendez? Un coup d'œil lui a suffi. Il a vu. Je me suis dit, il accepte. Ça aurait été trop simple. Notre brave homme refuse. Il la rend, mon cher. Il refuse. Le peintre se mit à rire. Husselin fut pris de vertige. Il pencha son visage vers la table. « Et savez-vous pourquoi il refuse, alors qu'il acceptait il y a 2 ans ?»« Il ne l'a pas expliqué, mais je l'ai deviné tout de suite. S'il avait eu le malheur d'introduire une de mes fresques ou simplement une de mes dernières toiles dans sa boutique, tout le reste de sa galerie croulait. Plus rien ne tenait, plus rien ne se vendait. Et il n'avait plus qu'à passer 10 millions de tableaux par profits et pertes. C'était un massacre, une hécatombe, une Sainte-Barthélemy des tableaux, mon cher !» « Quand même, il a été stupide, » murmura Jeanne. « Rien qu'avec Henri, il se serait dédommagé. » La voix sonneur, les bras ouverts, Fauvard que conclut. « Eh bien, mon brave Husselin, ça, voyez-vous, c'est un résultat plus grand que je ne j'avais jamais espéré. »